1. Fleur. Odeur. Queue. Feu. 2. Beurre. Œuf. Chaleureux. Danseur. 3. Vœu. Ordinateur. Largeur. Nœud. 4. Heure, l'heure, jeu, pneu. 5. Œuf, sœur, ailleurs, bailleur. 6. Cœur, moteur, bœuf, aïeux.